Acte 3, production orale. Écoutez les dialogues suivants. Vous allez jouer le rôle du deuxième personnage. Exemple 1. Écoutez le dialogue entre le professeur et l'étudiant. Nous allons faire le portrait de Robert. C'est un garçon solide. Vous voulez dire qu'il est gros ? Maintenant, à vous. Vous êtes l'étudiant. Vous entendez ? Nous allons faire le portrait de Robert. C'est un garçon solide. Et vous dites, vous voulez dire qu'il est gros ? 2. Écoutez. Est-ce qu'il va être blond, roux, châtain ou brun ? Blond. Maintenant, à vous. Est-ce qu'il va être blond, roux, châtain ou brun ? 3. Écoutez. Non, non. Robert va être brun. Dommage. Maintenant, à vous. Non, non. Robert va être brun. 4. Écoutez. Il a les cheveux noirs. Moi, je préfère les cheveux blancs ou gris. Maintenant, à vous. Il a les cheveux noirs. Cinq. Écoutez. Vous préférez Robert avec ou sans moustache ? Sans moustache. Maintenant, à vous. Vous préférez Robert avec ou sans moustache ? Six. Écoutez. Est-ce qu'il va avoir une barbe ? Une barbe ou pas de barbe ? Qu'est-ce que vous préférez ? Pas de barbe. Maintenant, à vous. Est-ce qu'il va avoir une barbe ? Une barbe ou pas de barbe ? Qu'est-ce que vous préférez ?